La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, une compagnie des auteurs, nouvelle semaine sur la vie et l'œuvre d'un grand écrivain et à l'occasion de la sortie en Pléiade de la nouvelle traduction de ses œuvres complètes, nous parlons jusqu'à jeudi de Franz Kafka. Je ne suis que littérature et ne peux ni ne veux être rien d'autre, écrivait Kafka dans son journal du 21 août 1913. Et en effet, lui qui a si peu cherché à faire de la littérature autre chose qu'un dialogue exigeant avec lui-même a pourtant ouvert les horizons de la modernité à bien des écrivains après lui, comme nous allons le voir ici, jusqu'à jeudi. Jeudi justement, nous serons avec Bernard Lahire qui nous expliquera comment on peut comprendre sociologiquement la littérature de Kafka, comme par exemple en regardant du côté de l'autoritarisme du père qui, selon Lahire, conditionne le rapport de Kafka à l'oppression. Mercredi, nous parlerons du château et du procès avec Jean-Pierre Morel. Enfin demain, nous serons en compagnie de Jean-Pierre Lefebvre, grand artisan de cette Pléiade qui vient donc de sortir. Il viendra nous parler des grands thèmes de l'œuvre ainsi que de quelques textes de jeunesse. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour placer quelques grands repères de la vie et de l'œuvre de Kafka, nous sommes avec vous, Florence Banco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature à l'université d'Aix-Marseille, auteur ou autrice, devrions-nous dire, en 2002, chez CNRS édition du livre Le journal de Kafka ou l'écriture en procès. Vous êtes également l'auteur de l'essai Franz Kafka ou l'art de l'esquisse que vous avez publié chez Belin dans la collection Voix allemande en 2006. Alors la première personne à avoir véritablement raconté la vie de Kafka, c'est son ami Max Brod dans une biographie qui date de 1937 où il nous expliquait que Kafka eh bien, avait passé toute sa vie chez ses parents, à Prague, que tout était au fond à deux pas de chez lui, l'école, le lycée, l'université, les bureaux successifs où il a travaillé, les maisons closes même, la baignade qu'il aimait tant. Mais vous, vous n'avez pas envie de présenter exactement les choses comme ça. Pour vous, ce que dit Max Brod, c'est un petit peu schématique. Et vous avez cette expression de la vie de Kafka comme un work in progress. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous entendez derrière cette expression-là. Oui, en fait, moi, j'ai été frappée par le nombre de livres qui ont paru sur Kafka et qui essayaient toujours de défendre une thèse en instrumentalisant un petit peu l'œuvre de Kafka, à vrai dire. Et moi, mon point de vue a été un peu inverse, en disant qu'est-ce que je peux apporter de nouveau comme regard sur cette œuvre-là. Et le plus simple m'a paru, en fait, c'est simplement de partir du journal, de cet atelier d'écriture qui est le journal intime de Kafka, et de montrer que toute sa vie, en fait, était une vie qui se construisait au fur à mesure, qui se remettait en question en permanence, qui n'était pas du tout arrêté, parce que Kafka doute en permanence de lui, de tout, de son écriture, de son talent. Et donc sa vie est une sorte d'esquisse permanente. C'est ce que j'essayais de montrer. Et donc, une métamorphose, dites-vous, pour employer un terme kafkaïen. Voilà, une métamorphose continuelle, parce que effectivement, pour lui, s'arrêter, c'est se pétrifier, c'est mourir un peu, et c'est ce qu'il craint le plus. Entre tout. Ouais. Donc, voilà. Ça va loin parce qu'on oublie que Kafka, au départ, c'est quelqu'un qui veut faire du dessin et s'épanouir dans les beaux-arts. Voilà une première métamorphose très importante. Oui, c'est vrai que Kafka, si, on le connaît un petit peu moins, c'est vrai, mais Jacqueline Sudakam et Benazaraf a publié un très très beau livre qui montre que Kafka était effectivement au départ se concevait comme un dessinateur, qu'il voulait devenir artiste et qu'il a réalisé énormément de croquis, un peu dans un style expressionniste, des sortes de caricatures assez drôles d'ailleurs, ce qu'on ignore aussi un peu souvent de Kafka. Et c'est vrai que Max Brod disait qu'il riait beaucoup quand on lui lisait le procès, quand Kafka lui avait lu tout le procès. Oui, c'était quelqu'un de très drôle et c'est vrai qu'on en a fait souvent, voilà, un auteur très austère, très triste. Tout à l'heure, j'étais au café, un garçon de café qui m'a dit « Vous lisez Kafka, mais vous n'avez pas peur de vous faire mal ?» Bon, c'est assez typique de la manière dont les gens perçoivent Kafka encore de nos jours, alors qu'en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui avait un humour vraiment très très important. Oui. Pourquoi il a abandonné le dessin alors ? Il n'a pas vraiment abandonné, c'est-à-dire qu'il n'a pas poursuivi dans les beaux-arts parce que, je ne sais pas, peut-être ce sont les hasards de la vie. Il a commencé à travailler dans une compagnie d'assurance et puis il s'est consacré assez vite finalement à l'écriture. Et il a vu sans doute un moyen peut-être un peu plus important d'épanouir aussi ce talent, cet imaginaire débordant qu'il avait, mais il n'a jamais vraiment cessé de dessiner, de faire ses petits croquis parallèlement, même dans des marches de cahiers, parallèlement donc à ses écrits. Ça a toujours été une activité parallèle en fait. Alors il faut rappeler que Kafka est né le 3 juillet 1883 à Prague. C'est le fils aîné d'Hermann Kafka, éminemment important, et de Judith Lowy. C'est une histoire familiale. Avant de parler spécifiquement du père, qui est assez tragique quand on considère le destin de tous les enfants de ce couple-là. Oui, alors c'est vrai que c'est Kafka a perdu un frère aîné dont sa mère a souvent parlé aussi. Et c'est vrai que cette ombre-là, l'ombre du frère, pèse aussi sur la vie de Kafka lui-même, sur même le rapport, à mon avis, qu'il a avec son propre corps, avec sa propre écriture. Il a des sœurs dont il est très proche, notamment Eutla, avec laquelle il va vivre notamment 2 années aussi dans la fameuse ruelle d'or. Le destin familial est assez tragique aussi parce qu'il a perdu des oncles et des tantes qui se sont suicidés, une grand-mère aussi qui s'est suicidée. Donc il y a un poids morbide assez puissant sur la famille qui explique aussi qu'effectivement il y a parfois des fantasmes de suicide chez Kafka, de défenestration, d'automutilation qui effectivement peuvent surprendre, mais qui traversent vraiment sa vie et qui sont très très présente dans sa famille. Il y a vraiment une question, une sorte de réalité fantomatique qui plane autour de Kafka et donc dont il parle assez fréquemment, notamment dans ses premiers cahiers. Et lui-même va mourir jeune à 41 ans avec le sentiment d'être déjà très âgé. Et ses sœurs, alors ça c'est après la mort de Kafka, mais vont être déportées et mourir dans les camps de concentration. Oui. Oui, c'est vrai que c'est une famille un peu sans descendants. Enfin, Kafka disait de lui-même qu'il mourrait précocement vieux, mais qu'il errait, je crois, l'expression qu'il avait utilisée, c'est qu'il errait comme un enfant dans les forêts de l'âge adulte. Donc il avait gardé une âme d'enfant, et en même temps, il se sentait très très vieux. Mais il n'a jamais eu le sentiment d'être vraiment pleinement homme, en fait, pleinement adulte. Donc ça, c'est. Mais voilà. Il n'a jamais eu non plus le sentiment d'être pleinement un enfant. Jamais complètement, mais Kafka n'est jamais complètement dans une situation, c'est ça. C'est toujours dans le regret d'une enfance qu'il n'a pas complètement, pleinement vécue. Enfin, en tout cas, qu'il a vécu dans la douleur, dans le ressentiment. Pour quelle raison ? Parce qu'il a beaucoup souffert de ce qu'il appelle les méfaits de l'éducation. C'est-à-dire que pour lui, l'éducation parentale doit être une éducation, enfin, l'éducation idéale doit être une éducation qui veille à assurer le bien-être des enfants, leur épanouissement, leur autonomie. Et pour lui, c'est tout le contraire de ce qu'il estime avoir subi. Il a été dans une école allemande. Il a subi un enseignement qui était très strict, avec beaucoup d'humanité, mais il était plutôt un mauvais élève. Et il a assez mal vécu, effectivement. Effectivement, même le trajet qu'il menait de chez lui à l'école le matin, c'était véritablement un enfer pour lui de partir, de traverser les ruelles de Prague à l'école. Donc il a effectivement vécu une enfance difficile. Il a écrit beaucoup de petites esquisses d'ailleurs dans le journal. Il y a 5 ou 6 textes qui sont pratiquement similaires avec quelques variantes où il dit « Mon éducation m'a causé beaucoup de tort ». Et voilà les reproches que je fais aux cuisinières, à ma famille, à mes parents, mes grands-parents, enfin, et bon. Et il énumère un petit peu toutes les personnes qu'il estime responsables de cette éducation, à son sens, ratée, qui l'a donc amené à beaucoup à réfléchir à ce que c'était qu'une éducation idéale. Et ça, c'est un thème qu'il développe, par exemple, dans une lettre à une de ses sœurs, où il dit, voilà, l'éducation idéale, pour moi, elle consiste à arracher les enfants à leurs parents, enfin, plutôt à les enlever à leurs parents, c'est même pas à les arracher, parce que pour lui, c'est un bienfait, à les confier à des éducateurs qui seraient extérieurs au cercle familial, de manière à ce que les enfants se développent de manière, comment dire, neutre, sans avoir de pression familiale. Voilà. Alors c'est évidemment un sujet qui se discute, mais qui se comprend aussi de par le contexte dans lequel Kafka a vécu, lui qui était vraiment en conflit aussi notamment avec son père. Mmh. Ben, il y a la fameuse donc lettre au père, voilà. Jamais envoyée, mais qui dit tout, enfin on l'imagine en tout cas, des relations entre le père et le fils. Oui, oui, oui. Bah, c'est, voilà, c'est une lettre qu'il a écrite en 1919, effectivement, qu'il destinait à son père, qu'il n'a jamais envoyé, mais où il a tenté d'exprimer la plupart des reproches qu'il avait à faire à son père, auquel il reproche d'abord de lui avoir inculqué, selon son propre terme, un fantôme de judaïsme, c'est-à-dire de... Son père était tchèque et il voulait s'assimiler absolument et il voulait que son fils s'assimile aussi. Et donc, il refusait d'accomplir les rites qui permettent de fédérer une communauté. Et Kafka en a voulu à son père en lui disant, voilà, moi, cette identité-là me fait défaut. Bon, après, il est revenu. Mais c'est vrai qu'il a ce rapport très conflictuel aussi avec cet autoritarisme de son père extrêmement puissant sur lequel je pense vous allez revenir dans les prochaines émissions. La critique de l'autorité chez Kafka, c'est très important. Mais ça commence à la critique de l'éducation. Ça, évidemment, c'est une thématique qui se poursuit avec la lettre au père où, effectivement, Kafka refuse l'autorité brute, la force brute imposée sans raison, sans autre explication que je suis ton père, tu te tais, voilà. Donc ça a été compliqué, effectivement. Alors, il fait tout de même des études de droit à l'université allemande de Prague. On imagine que ce n'était pas forcément une vocation pour Kafka. Et là, c'est connu, il va occuper un petit emploi dans les bureaux d'une compagnie d'assurance. Puis, il va refuser de reprendre le commerce familial qui faisait la fierté de son père. Donc, en quelque sorte, il s'est condamné à subir la pesanteur bureaucratique en entrant en 1907 dans cet établissement-là. Bon, clairement, c'était un travail, c'était une occupation qui lui permettait de gagner suffisamment d'argent. C'était un compromis pour pouvoir écrire. Voilà, ça lui permettait effectivement d'avoir une relative autonomie financière, même s'il a vécu pratiquement toute sa vie chez ses parents. Mais bon, il avait quand même ce travail la journée. Et effectivement, la nuit, il écrivait, puis il avait besoin d'un calme absolu pour écrire. Donc, il attendait que ses parents soient couchés, que toute la famille dorme pour être dans cette obscurité qui lui garantissait les conditions d'écriture optimale. Voilà, c'était un compromis, effectivement. Ce qui est intéressant, quand même, c'est de prendre garde au fait qu'il travaillait dans une compagnie d'assurance contre les accidents du travail. Mmh. Et il avait choisi ça. Il a choisi ça. Donc, la préoccupation sociale était aussi importante chez lui. Je pense que Bernard Larrière en parlera aussi largement. Mais, il cherchait à indemniser quand même le mieux possible les accidentés du travail. Voilà, et il y avait des croquis. Il faisait des croquis aussi. Donc, peut-être qu'il a utilisé aussi son talent de dessinateur. Bon. Dans ce cadre-là. Et il se préoccupait aussi de la défense des gens, des personnes un peu faibles, victimes aussi d'une certaine société, la société capitaliste du travail. Et donc je pense que pour lui, c'était de ce point de vue-là un travail intéressant. Et il y a énormément de rapports de Kafka, bon, qui effectivement utilisent très très bien cette langue bureaucratique, qu'il dénonce par ailleurs dans le procès, dans le château, mais il connaît très très bien de l'intérieur la bureaucratie. Mmh. Alors lui-même est un personnage faible, dans le sens où c'est quelqu'un qui est malade très vite. Dès 1917, il se met à cracher du sang, il lui reste plus que 7 années à vivre, qu'il va passer beaucoup dans les sanatoriums, Florence Banco. Oui, oui, il a effectivement, très tôt eu l'intuition qu'il ne vivrait pas vieux, ça c'est clair. Il a très tôt, il s'est toujours senti faible physiquement. Il disait que son corps et physique étaient un obstacle à son progrès, c'est une expression qu'il emploie souvent. Et cette tuberculose, effectivement, va commencer à se manifester en 1917, après sa rupture avec Felice Bauer, donc sa fiancée avec laquelle il a rompu donc ses fiançailles. Et lui a interprété cette tuberculose comme une sorte de punition, d'une certaine manière. De stigmates que son corps a porté, sorte de signe de cette culpabilité qu'il ressentait à avoir rompu ses fiançailles, à se sentir incapable de fonder une famille, d'avoir des descendants, etc. Et voilà, cette tuberculose va finir par l'emporter effectivement en 1924 et il va terminer sa vie dans d'atroces souffrances, sans plus pouvoir parler, sans plus pouvoir se nourrir, et ça va être effectivement une fin de vie extrêmement difficile. Donc c'est une vie très ordinaire et en même temps extraordinaire par la production littéraire qui en a résulté, mais lui n'aspirait pas tellement à l'extraordinaire, il aspirait surtout à vivre comme tout le monde. C'est ce que disait la grande critique littéraire Marthe Robert au micro de Marie-Christine Navarro en 1987. Il a toujours considéré que sa vie était ratée parce qu'il avait, et c'est ça qui le torturait aussi énormément, il avait le désir profond d'être un homme comme tout le monde, ayant une famille, une femme, des enfants, un travail qui lui permette de gagner sa vie, manuel de préférence. Et ça, la littérature y faisait obstacle, justement. Alors, cet idéal de vie qu'il aurait voulu atteindre était constamment contrecarré par cette vocation qu'il sentait, et qu'il sentait irrésistible. Il écrit dans une lettre de jeunesse à son ami Oscar Pollack, « Dieu ne veut pas que j'écrive, mais moi, je dois. » Il avait 18 ans à cette époque-là. Et c'est ça, a été comme ça toute sa vie. Il y avait donc un conflit, et un conflit qu'il a tranché. Enfin, on ne peut pas dire qu'il est tranché, mais qui s'exprimait sous forme de dilemme. On peut dire que pour Kafka, c'était écrire ou vivre, c'est-à-dire écrire sans vivre ou vivre sans écrire. Il ne concevait pas que les deux fussent possibles. N'est-ce pas ? Ça, c'est absolument capital. Et c'est ce qui a fait son malheur. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Florence Banco pour parler aujourd'hui de Franz Kafka. Alors, écrire ou vivre, deux pôles visiblement inconciliables chez Kafka, même s'il a tout de même connu au moins une liaison heureuse avec une femme au cours des dernières années de sa vie, cette femme avec qui il dit avoir justement connu la vraie vie et qui s'appelait Dora Diamant. Oui, bah, ce sont des années très heureuses pour Kafka, effectivement, parce que, comme disait très justement et très joliment Marthe Robert, voilà, lui, il aspirait à une vie très simple, finalement. Son idéal de vie, c'était vivre dans une maison avec un petit jardin. Et faire quelque chose de ses mains, surtout pas quelque chose d'intellectuel, c'est ça, par quelque pitié. Quelque chose vraiment d'artisanal, et effectivement, travailler, être un travailleur même de la terre, enfin vraiment, c'est très important pour lui. Et effectivement, il rencontre Dora Diamant finalement pratiquement 2 ans avant de mourir. Il se rencontre sur la Baltique, à Müritz. C'est ça, voilà. Et elle est très engagée dans le sionisme. Et en fait, lui, il envisage aussi de partir avec elle. En Palestine, ça va pas être possible parce que sa santé à lui est beaucoup trop fragile. Mais ils vont s'installer quand même, effectivement, dans cette petite maison avec jardin, où ils vont vivre quelques mois très heureux, mais un petit peu, effectivement, plus que troublé sous le poids de cette maladie. Mais en tout cas, il aura réalisé cet idéal de vie, malheureusement tard. Elle avait 19 ans. Au fur et à mesure de sa vie, il a choisi des amours de plus en plus jeunes. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose ici ? Ah, je ne sais pas. J'ai jamais fait ce constat-là, mais pourquoi pas ? Je pense qu'il y a une volonté aussi, peut-être chez Kafka, de rattraper le temps perdu. Alors, c'est pas... Effectivement, il y a une fascination très claire pour les femmes, ce qu'on ignore aussi souvent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à le réduire à cette célibataire, ces amours un peu difficiles, problématiques, malheureuses avec Félix Bauer, avoir lu un célibataire endurci, aigri, c'était pas du tout ça. Hein. Kafka aimait beaucoup les femmes, était un grand observateur, en tout cas des femmes, de la beauté et de la laideur féminine, parce que la laideur aussi le fascine. En tout cas, la plastique le fascine. La plastique, voilà, la femme en mouvement. Et donc, les jolies jeunes femmes, ou les jeunes femmes de tout court, de toute façon, le fascinent effectivement. Et Dora, c'est vrai que c'est sans doute aussi le rêve de renouveau, de renaissance, de recréation. On parlait toujours de cette métamorphose permanente de Kafka, et je pense que ça joue aussi. Il y a vraiment aussi la métaphore du blanc, l'image du blanc, de la blancheur qui revient dans les derniers textes de Kafka quand il rencontre Dora. Et effectivement, sans doute que voilà, il y a une volonté de recommencement, de tout recommencer, repartir à zéro et vivre sa vraie vie d'homme. Voilà. Donc ça, c'est avec Dora et avec les autres. Avec les autres, bah avec les autres, il y a eu des amours, des amourettes de jeunesse, on va dire. Et donc la première grande histoire, c'est avec Félix Bauer, donc il rencontre en 1912. La rencontre est assez curieuse parce qu'il en parle dans son journal et on a l'impression que véritablement, enfin, c'est loin d'être le coup de foudre, mais en même temps, il est effectivement fasciné par le visage osseux et insignifiant, sont les termes qu'il emploie de Félix Bauer, qui l'a marqué par son insignifiance. Et bon, a priori, voilà, c'est pas. Et il va développer cette relation. Il voyait peut-être en elle celle qui pourrait devenir sa femme, parce qu'il aspirait tellement au mariage que voilà, c'était peut-être le rôle qu'il lui a signé. Oui, c'est ça, sans doute. C'était effectivement cette promesse de vie normalisée, normale, qu'il espérait. Alors, il a essayé, hein, il a effectivement essayé de tenter cette aventure. C'est vrai que Félix l'a énormément porté aussi, la relation épistolaire qu'il a eue avec elle. Il écrivait des 4-5 lettres par jour. C'était vraiment un flot de lettres incroyable. L'a aidé, l'a porté, cette relation épistolaire, et a nourri aussi sa création littéraire. C'est à ce moment-là qu'il écrit Le Verdict en une nuit, son premier récit qui lui confirme sa vocation d'écrivain. Donc c'est une relation extrêmement importante qu'il va mener pendant 2 ans, et puis il va rompre ses fiançailles avec Félix, et effectivement, voilà, ça va être effectivement déjà une première et grande cassure. C'est une relation essentiellement épistolaire. Il a des formules assez étonnantes, du type finalement, je préfère t'écrire, je me sens plus proche de toi quand je t'écris, voilà. Alors il y a tout, effectivement, Kafka. Plutôt que de te voir, sous-entendu. C'est aussi extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'il utilise aussi l'épistolaire comme moyen de tenir à distance. Il y a un très très bel essai de Canetti qui porte sur cette question-là, et où il dit effectivement, les lettres sont comme des fantômes, elles boivent les baisers en route et les empêchent de parvenir à destination, et donc la lettre, elle devient un substitut de la rencontre physique. Il y a quand même, a priori, il y aura rencontre physique, visiblement, donc la relation ne reste pas platonique, et bon, mais Kafka en parle de manière très très elliptique. Ce qu'on voit par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai donc consulté les manuscrits des journaux à la bibliothèque Bodleian d'Oxford, et là je me suis rendu compte que à la date supposée de leur première nuit d'amour, ils changent d'encre, de couleur d'encre, et bon, voilà. Alors après, on peut en faire ce qu'on veut, mais c'est assez étonnant. Donc ça, c'est la deuxième grande histoire. Et puis bon, là, effectivement, il y a la rencontre avec Milena Jesenska, qui est là une rencontre amoureuse, une relation très très épanouissante, très pleine, très passionnée, fondée sur une grande complicité intellectuelle, physique, sensuelle. Enfin, c'est une très très, très belle histoire. Qui va se terminer, mais ils resteront très très proches. Et Milena écrira un texte après la mort de Kafka, un texte d'hommage à Kafka qui est un magnifique texte, qui est extrêmement émouvant et qui rend bien compte de la solitude de Kafka en même temps que de son immense talent, mais de ses doutes, de cette sorte de souffrance perpétuelle. Et puis la dernière rencontre avec Dora. Alors sur la souffrance justement de l'écriture, je vous propose d'écouter un extrait de son journal. 16 janvier 1922. Je me suis effondré la semaine dernière plus totalement que cela ne m'est jamais arrivé. Premièrement, effondrement, impossibilité de dormir, impossibilité de veiller, impossibilité de supporter la vie, ou plus exactement, le cours de la vie. Les pendules ne sont pas d'accord. La pendule intérieure se livre à une poursuite diabolique ou démoniaque, inhumaine en tout cas. La pendule extérieure va au rythme hésitant de sa marche ordinaire. Que peut-il arriver sinon que ces deux mondes différents se séparent, et ils se séparent, ou tout au moins se tiraillent l'un l'autre d'une manière effroyable? Il y a sans doute bien des raisons à ce rythme effréné de la vie intérieure. La plus évidente est l'introspection, qui ne laisse parvenir au repos aucune idée, poursuit chaque idée et la fait remonter à la surface pour être chassée à son tour par une nouvelle phase de l'introspection, dès qu'elle est elle-même devenue idée. La compagnie des auteurs. Que retenez-vous, Florence Banco, de cet extrait lu par Jean Topard du journal de Franz Kafka? Cette image de l'horloge aussi, l'horloge extérieure, opposée à la vie intérieure et à l'introspection qui est... Alors pour Kafka, là aussi c'est une question un peu complexe parce qu'il disait qu'il haïssait l'introspection. En même temps, il écrit un journal entre 1910 et 1924 pendant 14 années de sa vie, pratiquement, enfin pas tous les jours mais quand même très fréquemment. Mais il est effectivement toujours tiraillé entre d'une part cette exigence de lucidité, de clarté sur lui-même, donc d'où cette introspection qui lui est nécessaire pour se comprendre, s'analyser, se construire, trouver une forme de refuge. Et en même temps, chez Kafka, il y a toujours la conscience que la vie extérieure vous appelle et que rester enfermé dans un univers intérieur, c'est aussi passer à côté de la vie. Mmh. Et passer à côté des exigences de la vie, donc ne pas être pleinement homme, pleinement incarné. Il dira d'ailleurs de lui « Ma vie est hésitation devant la naissance ». Et ce que je trouve une formule magnifique, parce que chez lui, il y a toujours cette idée qu'il naît à lui-même en tant qu'écrivain, bien sûr, en 1912. Je reviens là-dessus, sur ce premier grand... C'est l'année du tournant, 1912. Oui, c'est l'année du tournant. Et donc, il dit que c'est pour lui, c'est une véritable naissance d'avoir écrit ce récit, le verdict. Donc, il naît à lui-même comme écrivain. Il l'a écrit en une nuit. Il l'a écrit en une nuit, comme... voilà, une sorte de flux incontrôlable. Et il était porté par ce flux d'écriture et il est comme ça devenu à lui-même comme écrivain. Mais effectivement, à partir du moment où il rentre dans ce travail d'écriture et ce travail d'introspection aussi, parallèle ou parfois successif, en fait, pour lui, il échappe aussi à la vie, à cette horloge extérieure. Mmh. Donc tout ça, on le comprend en lisant le journal, comme vous l'avez fait. C'est une autobiographie, finalement, ce journal, ou pas? Alors, il différenciait, lui, l'écriture du journal d'une autobiographie, parce qu'il comparait l'écriture de l'autobiographie à une sorte de construction qui reposerait sur des fondations solides. Alors que pour lui, le journal, c'est une succession de fragments, égrenés dans la durée, mais une succession de fragments qui peut être, en fait, une sorte de base... sur laquelle il pourrait éventuellement s'édifier. Et il rêve d'autobiographie, comme par exemple Goethe a pu écrire une autobiographie, mais Goethe avait un ego quand même qui ne posait pas particulièrement de problème, alors que Kafka, c'est justement la question. C'est comment écrire sur soi, comment intéresser d'autres en écrivant sur soi, parce que c'est le postulat de l'autobiographe. Alors qu'écrire son journal intime, en fait, on peut l'écrire uniquement pour soi-même. C'est la raison pour laquelle il a préféré la forme du journal. Mais il a toujours rêvé d'autobiographie. Enfin, il y a différents moments dans le journal. Il y a des moments qui sont peut-être plus égocentriques, entre guillemets, ou plus dévoués à l'auto-analyse que d'autres. Oui, je pense qu'on peut, distinguer trois phases, en fait. La première phase, 1910 à 1915, où effectivement, c'est un journal plus égotiste, plus narcissique, plus centré sur lui-même, plus centré sur son corps, sur ses doutes identitaires, sur les expériences fondamentales qu'il a faites. Ensuite, on peut parler d'un journal plus extime, un journal plus tourné vers l'extérieur, entre 1915 et 1917-18. Et à la fin de sa vie, nouveau, on revient un peu cette forme d'égocentrisme des débuts, avec une tendance mystique beaucoup plus développée, des formes d'aphorismes qui sont très intéressantes aussi, et qui montrent que Kafka a une sorte d'élan vers le divin, vers la transcendance, de quête, effectivement, quête d'absolu. Donc en fait, on peut distinguer trois grandes phases, on dirait, à peu près. Est-ce que c'est aussi un atelier, ce journal, un endroit où on réfléchit, où on apprend pour les œuvres qui s'écrivent en parallèle ou qui vont s'écrire, Florence Banco? Ah oui, tout à fait. C'est à mon sens, c'est même le texte l'œuvre qui renseigne le plus sur le travail d'écrivain de Kafka. On peut lire les entretiens de Kafka avec Gustav Janusz, on peut lire énormément de choses, mais à partir de son journal, on comprend justement comment fonctionne le processus d'écriture chez Kafka. C'est-à-dire que très souvent, il fait des récits de rêves. Par exemple, il note ses rêves dans son journal, et ce sont des toutes petites ébauches, finalement, dont il ne fait pas nécessairement de texte après, mais qui lui permettent de consigner des images mentales qui sont très très fortes. Et qu'on retrouve après dans les romans, par exemple. On retrouve après, un peu dispersé dans les romans. Après, on trouve énormément d'ébauches même de récits, de romans. Il y a des ébauches du disparu, il y a des ébauches du procès, on trouve des petites scènes, des esquisses de dialogue, énormément de petits schémas, d'esquisses qui permettent effectivement de voir le journal vraiment comme un atelier d'écriture où il travaille aussi des images qu'il va peaufiner au fil des pages. Donc il y a des réseaux d'images comme la fenêtre, très importante, comme la chambre, comme la cuirasse, comme la prison. Des scènes aussi des fantasmes aussi un peu masochistes, enfin des choses qu'on retrouve qui ponctuent le journal et qui finalement permettent de voir effectivement comment l'œuvre de Kafka se dessine en fait, effectivement s'écrit au fil de ces pages des cahiers intimes. Et puis il y a le père aussi, beaucoup dans ce journal. On va tout à l'heure parler un petit peu de la question de la psychanalyse, mais tout de suite c'est le moment de la chronique en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique que vous assurez aujourd'hui pour le compte de la revue Page des libraires, si je puis dire, Stanislas Rigaud. Bonjour Stanislas. Bonjour. Vous commencez par nous parler de L'espace du rêve. C'est un livre, c'est le livre de Noël, paraît-il. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez les choses. De David Lynch et Christine McKenna. C'est un ouvrage un peu hybride. Voilà, alors comme tout ce que fait Lynch, c'est un peu hybride. Hein. Alors le principe est simple. C'est encore plus hybride, c'est à deux là. Ils sont à deux. Donc le principe est simple, on a une biographie écrite par la journaliste McKenna, qui est donc biographie qui est précise. Et en même temps écrit avec beaucoup de souplesse. Donc on apprend beaucoup, beaucoup de choses. On part de sa naissance, on termine à l'après Twin Peaks le retour, donc vous voyez, ça brasse large. Mais alors, ce qui fait la grande force du livre, c'est qu'à chaque chapitre de la biographie correspond à un chapitre de l'autobiographie, puisque David Lynch va écrire en contrepoint systématiquement son chapitre. Et c'est pas redondant. Alors ce n'est pas redondant, parce que l'idée est bonne, mais effectivement, sur la longueur, on peut se dire, ça s'essouffle. Pas du tout. Ça donne un souffle et un rythme à ce livre absolument remarquable. Il prend des angles d'attaque qui sont pas du tout ceux de la biographe. On creuse, on va dans un sens, il infirme, il confirme. C'est passionnant du début à la fin. Alors, je ne vous cache pas qu'on n'aura pas les clés de toutes les histoires de Lynch, malheureusement. Mais on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et la dernière, une fois que vous avez fini ce livre, qui est d'ailleurs très joli, alors c'est difficile de le dire comme ça à la radio, mais c'est un format donc roman. C'est un bel objet aussi. Un bel objet, très beau papier, des reproductions magnifiques. Et c'est effectivement un indispensable des amateurs de David Lynch. Bon, on est content de ne pas avoir les clés aussi. Ce serait triste si on les avait. Vous avez repéré aussi le nouveau roman du prix Goncourt d'il y a quelques années, Laurent Godet, qui sort toujours chez Actes Sud, un roman intitulé Salina. De quoi s'agit-il, Stanislas ? C'est une des très très bonnes, vraiment une des grandes sorties de Laurent Godet. Alors j'aime énormément Godet, on est très nombreux à beaucoup aimer Laurent Godet. Et il revient cette fois-ci à ce que la quatrième couverture évoque, son époque archaïque, c'est-à-dire donc l'époque qui avait valu le Goncourt des lycéens avec notamment la mort du roi de Sangor, une espèce d'Afrique mythique. Et donc c'est l'histoire de Salina, la femme aux trois exils, qui va être racontée par son fils. Et pourquoi ça va être raconté par son fils ? Parce qu'elle vient de mourir, qu'il doit aller l'enterrer, il doit aller l'enterrer à l'île cimetière. Et cette île cimetière qui est ceinte par un grande muraille ne va s'ouvrir à cette femme que si le récit de son fils va convenir, va frapper les esprits. Et donc le fils commence l'histoire de cette mère. C'est remarquable. Toutes les qualités de Laurent Godet sont là, c'est-à-dire cette langue, cette poésie. C'est le conteur. C'est le conteur. Je crois qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas meilleur conteur que Laurent Godet. Moi, je suis très souvent impressionné. Et là, c'est à mon avis un de ses tout meilleurs. Alors, une réécriture pour terminer en forme de roman, et même de roman noir, de la tragédie de Shakespeare, Macbeth. C'est chez Gallimard par Joe Nesbo. Là encore, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce livre ? Alors, Joe Nesbo, c'est un des grands, grands poids lourds du roman policier. Mondial. C'est vraiment un très, très grand monsieur. Et là, il sort un livre qui s'appelle Macbeth. Et qui est un super polar. Sans sous-titre. Voilà, sans sous-titre. On y est. On part dans une ville qui est rongée par la corruption. Le préfet Duncan, qui vient d'être nommé, essaye de mettre de l'ordre là-dedans. Et notamment pour l'aider, il a Macbeth, qui est à la tête d'une force de police un peu virile, et qui l'aide à essayer de remettre un peu d'ordre dans cette ville. Ça commence comme ça. Donc vous avez d'abord un très très bon polar qui tient du début à la fin, comme Joe Nesbo sait faire, des grandes scènes d'action, du suspense, des retournements. Mais là-dessus, en fait, il nous raconte Macbeth. C'est-à-dire que vous allez trouver tout ce qu'il y a dans Macbeth. Banco, les sorcières, Duncan, Macduff, tout le monde est là. et tous les rebondissements sont là. Alors, on se dit, oui, bon, ça peut être rigolo, en fait, mais c'est mieux que ça. C'est-à-dire que, si vous connaissez pas Macbeth, bah, l'histoire fonctionne, c'est un super polar, mais si vous connaissez Macbeth, Jeunesse Beau s'amuse à tout vous donner et en même temps à tout légèrement dérégler, de telle manière à ce qu'on prend un énorme plaisir jusqu'aux dernières pages à se dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire avec Shakespeare ? C'est une grande, grande réussite. Bon, bah, trois conseils. Vous commencez déjà à mettre des cadeaux sous le sapin. Vous reviendrez d'ici là pour en mettre d'autres. Merci beaucoup, Stanislas Rigaud. Et puis, on vous retrouve dans les colonnes, évidemment, de la revue Page des libraires à retrouver en librairie. La Compagnie des auteurs sur France Culture, notre sujet cette semaine est Franz Kafka, dont nous abordons les grands thèmes de la vie et de l'œuvre aujourd'hui avec Florence Banco, professeure de littérature à l'université d'Aix-Marseille. Et nous repartons dans cette seconde partie avec la question de la psychanalyse et cet extrait d'une archive du philosophe et germaniste Stéphane Moses. Quand on psychanalyse l'œuvre de Kafka, par exemple, comme l'a fait remarquablement Marthe Robert, par exemple. Mais il ne faut jamais oublier que le psychanalyste ne dit pas la vérité sur l'œuvre de Kafka. Kafka lui-même a introduit des signaux de type psychanalytique. Consciemment, il connaissait Freud, il avait lu ce que Freud avait publié à l'époque, enfin pas tout, mais il avait lu des choses. Dans son journal, il se réfère à Freud. Lorsqu'il parle, par exemple, du verdict, il dit, de toute évidence, j'ai introduit là des thèmes freudiens. Et alors, par exemple, dans la Métamorphose, où les interprètes psychanalysants se sont jetés là-dessus en disant inceste, transgression de l'inceste, Édipe, etc. Mais Kafka jouait avec ça, hein, c'est ce que je voulais dire lorsque je disais piège. Alors, le problème religieux, lui aussi, ça veut dire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que c'est pas important. Ça veut dire que Kafka jouait avec de multiples possibilités culturelles de son époque. Et qu'il les a codés dans le texte. Et alors les interprètes se jettent sur telle ou telle chose selon leur sensibilité. Toutes ces choses-là, toutes ces démarches interprétatives sont vraies, mais elles sont toutes vraies en même temps. Elles s'entrechoquent, elles s'annulent parfois, elles créent des labyrinthes dont il est très difficile de sortir et que Kafka a dessiné. Florence Banco, c'est vrai qu'il y a eu des tas d'interprétations psychanalytiques de l'œuvre de Kafka. Pourquoi, selon vous, cette œuvre en particulier se prête si bien à ce genre d'exégèse ? Ouais, je pense qu'effectivement, comme le disait très justement Stéphane Moses, c'est qu'effectivement, il a joué aussi avec son lecteur, Kafka. Il a semé des indices qui permettaient de dire, bah voilà, là, il parle effectivement de Grégor Zamza qui se colle contre une image d'une Vénus à la fourrure. Donc, on pense à Zachar Marzor, on pense au fantasme, effectivement, oedipien. On pense, dans la lettre au père, effectivement, ça donne aussi des outils pour des chercheurs ou des interprètes qui veulent effectivement l'interpréter dans cette optique-là. Et c'est un fait qu'on peut interpréter Kafka avec toutes ces grilles d'analyse-là. Ce qui est paradoxal, c'est que lui-même, visiblement, refusait l'analyse psychanalytique et même refusait même l'idée du grand intérêt qu'apporterait au monde la cure freudienne. Oui, c'est ça. Je crois qu'il dit dans son journal, je ne me rappelle plus exactement l'expression, mais c'était assez de psychologie. Ça va de pair avec cette idée que l'introspection, pour lui, c'est un peu quelque chose de stérile. Donc, effectivement, aussi, il fait ses récits de rêve. On peut interpréter tous ses récits de rêve en utilisant des catégories freudiennes. Ça fonctionne très, très bien. Mais on passe, à mon sens, aussi à côté de la spécificité de cette œuvre-là, cette œuvre de Kafka. Effectivement, il est à la croisée. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, si le procès, si le château, si la métamorphose, ça n'est pas quelque chose qui relève de la psychanalyse ou de l'introspection, ce qui semble quand même en partie aller de soi, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est difficile de définir ce que c'est. Je pense que Kafka lui-même, il y a un petit récit qui s'appelle Odradek, qui met en scène une sorte de créature qui est indéfinissable, qui est une sorte de bobine en forme d'étoile qui est insaisissable, qui est impalpable, et on ne peut pas l'attraper. C'est ce qui est dit dans ce petit récit. Et Audre Adek, cette figure-là, c'est une métaphore de la création, de l'œuvre de Kafka. C'est une œuvre qu'on ne peut pas attraper, qu'on peut essayer d'attraper en tirant sur tous les fils, justement. En tirant sur le fil psychanalytique, une lecture structuraliste, on peut effectivement énormément faire sortir de choses de cette œuvre de Kafka, mais on ne peut pas réduire ça, je pense, à une simple projection d'un imaginaire ou à une simple expression de la psyché. Ce sont des récits qui sont effectivement issus du monde prodigieux qu'il a dans la tête. C'est ce qu'il dit lui-même, le monde prodigieux que j'ai dans la tête, je ne peux pas l'enterrer, je suis obligée de l'exprimer. C'est une œuvre qui est très proche d'un rêve, qui donc du coup pour ces raisons-là a fasciné les surréalistes aussi. Ça n'est pas que, elle n'est pas interprétable que avec ces catégories-là. Je pense qu'on peut. Et il y a aussi un autre récit où Kafka dit la légende doit retourner à l'inexplicable et laisser en suspens en fait finalement l'interprétation. En proposer effectivement plusieurs, c'est extrêmement enrichissant, mais figer, à mon sens, l'interprétation d'un texte de Kafka en utilisant une seule grille d'interprétation, ça me semble vraiment réducteur, ça me semble contraire à l'esprit de Kafka. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il travaillait à l'instinct, avec cette idée instinctive qu'il fallait faire la littérature qu'il était en train de faire, ou est-ce qu'il y avait un projet qui était un projet conscient, par exemple de modernisation de la littérature, d'imaginer une autre manière de raconter quelque chose? Quel est votre sentiment? Je pense que, enfin, de sa part, comme il était extrêmement humble, ça aurait été un peu de l'outrecuidance que de se penser comme quelqu'un qui aurait révolutionné la littérature. Maintenant, c'est un peu ce qu'il a fait. Il se définissait aussi un peu comme épigone. Hein, il disait ce qu'il devait à la tradition. Il y a des modèles conscients, revendiqués, affirmés dans son journal. Là où il a vraiment apporté énormément aussi, c'est dans un travail d'épure du langage, de l'écriture, une écriture qui est extrêmement claire, très sobre, très efficace, finalement réduite au minimum d'effets, minimum d'ornements plutôt, mais qui produit un maximum d'effets parce qu'elle suscite énormément d'imaginaire, de réflexion, mais il n'y a pas, je pense, chez lui la volonté de proposer quelque chose de radicalement nouveau. Enfin, en tout cas, pas la volonté affirmée, exprimée. C'est plus, essayer d'être au plus vrai, au plus juste dans l'expression, de gagner en authenticité. Et en expressivité. Mais je dirais que il refuse aussi tout ce qui est le trop plein métaphorique, le surplus, l'hyperbole, l'allégorie. Il y a une critique de l'allégorie très importante chez Kafka parce que il n'aime pas l'enflure en fait. Il vise la plus grande sobriété possible. Alors ces grandes références littéraires dont vous parlez, c'est qui? C'est Flaubert, c'est Goethe. Alors, on a même parlé de Dickens. Goethe, c'est un petit peu, c'est un peu le père spirituel, mais avec lequel il aussi, dont il doit s'émanciper, parce que pour lui, c'est le maître absolu de l'autobiographie. Hein. C'est effectivement pour lui un écrivain qui incarne la grande santé, qui incarne aussi la maîtrise des choses, mais qui a une pensée classique, une œuvre fondamentalement classique. Là où l'œuvre de Kafka, elle est ouverte, fragmentaire, processuelle, donc il travaille pas entre guillemets dans la même catégorie, si on peut le dire un peu vulgairement. Après, Dickens, c'est aussi un modèle pour Kafka parce que notamment David Copperfield, des romans qui sont dans la construction du récit, dans l'ironie, dans l'utilisation d'un point de vue avec, c'est-à-dire que on suit le personnage aussi dans ses errances, dans ses errements, dans sa quête d'identité. Dickens l'a beaucoup l'a beaucoup inspiré, notamment pour écrire son roman L'Amérique, ou Le Disparu, selon le titre qui est choisi, où on retrouve effectivement Karl Rossmann, un personnage de jeune homme qui erre dans le labyrinthe des rues de New York, comme un peu comme les personnages de Dickens. Donc ça, c'est aussi un modèle qui a été important pour Kafka. Flaubert, c'est le style. Flaubert, c'est le style. C'est effectivement l'exigence absolue, l'écrivain, le gueuloir, la vocation d'écrivain à assumer jusqu'à en souffrir énormément, mais toujours dans la recherche, effectivement, d'une grande épure du langage et également à la mise en scène de personnages qui sont parfois un peu ridicules. Il y a énormément, par exemple, Bouvard et Pécuchet a beaucoup inspiré Kafka, notamment dans un petit récit qui s'appelle... C'est kafkaïen, hein, Bouvard et Pécuchet, un peu. C'est très kafkaïen, oui, c'est un peu... Voilà, on joue aussi avec l'absurde, avec ces deux personnages qui, finalement, sont aussi des sortes de bureaucrates, finalement, qui s'essaient au jardinage, qui s'essaient à énormément de choses, qui ratent tout ce qu'ils font. Voilà, et puis ce sont des métaphores du célibataire, des caricatures, pardon, de célibataire, telles que celles que Kafka aime aussi à manier, ces caricatures du célibataire entre deux âges, qui se cherche, qui multiplie les expériences, et qui finalement n'arrive pas à grand-chose, mais envers lesquels on peut avoir une sorte de tendresse quand même, parce qu'ils sont touchants aussi dans leurs échecs et dans leur volonté de malgré tout continuer un peu. Donc ça, c'est... Ouais, Flaubert, c'est... très important aussi, et pour le style, évidemment. Ça, c'est vrai que l'influence de Flaubert est très, très marquée. Alors, vous avez évoqué en passant son roman Le Disparu, également appelé L'Amérique. Donc, c'est quelqu'un, on l'a dit, qui était plutôt sédentaire. Il a un petit peu voyagé, mais enfin, pas tellement. Et pourtant, il est fasciné par l'Amérique, où il n'a jamais mis les pieds. Il est fasciné par les grands espaces, Kafka. C'est vrai qu'il est toujours fasciné, en fait, par ce qu'il n'a pas aussi, hein. Et puis, ça sollicite son imaginaire, mais il a beaucoup lu sur l'Amérique. Il a lu des récits de voyageurs. Il a assisté à des conférences aussi. Assisté à des conférences. Et voilà, rêver d'Indiens, de Far West, etc. Mais c'est vrai que son roman, en fait, c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme une sorte de road movie, finalement. Mais également comme une sorte de quête aussi existentielle, en fait. Hein, c'est, de roman de formation moderne. C'est quoi ce roman? Parce qu'il est tellement moins connu que les autres que les auditeurs ne le connaissent peut-être pas. C'est un roman, voilà, qui met en scène la figure de ce Karl Rossmann qui a été chassé par ses parents parce que une bonne l'a rendu père. C'est comme ça que commence le roman. Il est victime de la bonne qui l'a rendu père. Lui n'y est pour rien, en fait. Oui, hein, ça arrive. Voilà, ça peut arriver, mais enfin bon. Et donc il part, il est chassé par ses parents, expulsé. Voilà. Et donc situation il est de détresse, a priori. Il est perdu, il arrive sur un navire et il lui arrive... une succession de malchance, de malentendus, de quiproquos. Donc il essaie d'aider un personnage qui est sur le bateau. Finalement, la situation se retourne contre lui. Il va voir son oncle, un riche oncle qui essaie de l'aider, mais ça se passe mal avec cet oncle. Il rencontre une jeune fille avec qui finalement la relation ne va pas aboutir. Et puis il se retrouve pris dans un labyrinthe, enfin le labyrinthe de la ville, notamment de New York, où il rencontre aussi une grosse femme, Brunelda, qui est aussi c'est une sorte de fantasme, hein, kafkaïen, donc là une sorte de femme, maîtresse femme, mais qui fait marcher un peu tous les hommes autour d'elle, notamment de la marche et Robinson, aussi d'autres compagnons d'aventure de Karl Rossmann. Il s'appelle Karl Rossmann. Alors, il y a beaucoup de critiques qui ont parlé de ce K qui est l'initial de la plupart des protagonistes de Kafka. On a Karl Rossmann, donc avec un K. Ensuite, on a Joseph K, personnage central du procès. Puis K, ensuite, dans le château. Donc, le K de Kafka, on peut l'interpréter comme ça. Et donc, Karl Rossmann erre de ville en ville, d'aventure en aventure, jusqu'à se retrouver finalement embauché dans un théâtre ambulant. et dans ce théâtre, donc il est recruté, et il va perdre son nom et son identité de départ, et il va s'appeler Négro. Ouais. À la fin, donc il devient effectivement disparu parce qu'il perd cette identité qu'il avait au départ, mais qui était déjà une identité qui était très très très fluctuante. Donc ça se passe ouais. aux États-Unis, c'est une vision infernale de l'Amérique, une civilisation entre guillemets sans culture, enfin c'est en tout cas comme ça que véhicule le narrateur. À l'inverse de ça, il y aurait la Russie. L'autre fantasme, c'est le fantasme spirituel qu'incarnerait la Russie. Ouais, une note très très courte du journal qui dit « Infini pouvoir d'attraction de la Russie ». Juste cette phrase, assez laconique, pas du tout développée par la suite, c'est vraiment... une forme presque d'aphorisme. Et en fait, effectivement, Kafka est fasciné par la Russie. Pour lui, c'est l'infini. Mais par la Russie des tsars ou par la Russie révolutionnaire? Je dirais un peu les deux. Enfin, la dimension politique n'est pas très présente dans le journal, donc il développe assez peu. La Russie des tsars, ouais, sans doute un petit peu, mais on ne sait pas exactement. Je crois que c'est plutôt l'espace, les grands espaces qui l'intéressent. Et pour lui, c'est une terre... C'est un terme mystique qui prête effectivement à l'élévation, à la transcendance. Alors, la Russie, c'est aussi la patrie de Dostoïevski, qui est un autre père spirituel, frère de sang de Kafka, c'est l'expression qu'il utilise dans son journal. Qui effectivement, on connaît l'œuvre de Dostoïevski, mais surtout la question de la faute, du châtiment, est très très présente aussi chez Dostoïevski. Et ça, c'est vraiment aussi une thématique qui fascine Kafka. Et donc la Russie, c'est l'inexploré, c'est un peu la page blanche, l'infini, mais qui prête à toutes les rêveries et tous les fantasmes. Alors quand vous dites qu'il ne s'intéresse pas à la politique, on peut nuancer un petit peu. Je crois que dans un certain nombre de lettres, il s'enthousiasme pour le bolchevisme, notamment dans des lettres à Milena. Et puis, il y a quand même un intérêt pour le sionisme. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça réellement un engagement politique, mais peut-être un petit peu quand même. Ça commence quand et comment cet intérêt-là? Ah oui, je ne voulais pas dire qu'il ne s'intéresse pas à la politique, mais juste que dans le journal, en fait, on avait peu de notations qui avait trait à la réalité politique. Mmh. Mais c'est vrai que dans les lettres, dans les témoignages, on sait que Kafka, sans être inscrit dans un quelconque parti, etc., s'est énormément intéressé, donc effectivement, à l'anarchisme, au mouvement révolutionnaire. Il était lui-même anarchiste? Non, mais il a participé à des rencontres anarchistes, il a fréquenté beaucoup de cafés littéraires, d'associations, de syndicats. Il a vraiment, on peut dire qu'il a milité, mais en gardant toujours une forme d'indépendance, malgré tout. Alors, pour le sionisme, il s'est intéressé au sionisme surtout, je dirais, il s'est intéressé via Max Brod, son ami intime, qui était extrêmement, lui, convaincu. Kafka aussi était très intéressé par cette cause sioniste, sans partir, mais il a donc caressé le rêve d'aller s'installer en Palestine à la fin de sa vie. Dans un kibbutz. C'est ça qui l'intéressait aussi, c'était le rapport à la simplicité que promettait le kibbutz. À la terre. Voilà. Et puis la rencontre avec Félix, qui elle-même était aussi très sioniste, très engagée. Il a eu beaucoup d'amis femmes, notamment, mais d'amis proches du sionisme, mais effectivement, voilà, c'est une question qui l'a intéressé. Il a rencontré beaucoup de sionistes et puis il a lu Herzl, il a lu ses écrits, mais sans véritablement franchir le pas, ça c'est clair. Le bolchevisme également, la révolution l'a intéressé, plus qu'intéressé, il l'évoque aussi notamment dans ses lettres. Milena était elle-même très très politisée aussi, donc il y a une fascination de Kafka pour le politique, mais ce n'est peut-être pas un homme d'action, mais c'est plus... Il disait de lui-même qu'il était un observateur à mi-distance de la vie. Et ça caractérise bien, en fait, son rapport au monde de manière générale. Donc son rapport avec l'histoire aussi. Quand il... Donc la déclaration de la guerre de 14, il écrit dans son journal « Déclaration de guerre, je crois, point, après-midi, piscine ». C'est tout ce qu'il note. Donc, vous voyez, en fait, on ne peut pas en déduire grand-chose. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite polémique entre Bernard Lahire et moi, qui trouve que parfois j'ai une lecture qui n'est pas assez... politique de Kafka. Moi, à mon sens, c'est juste que Kafka est toujours un peu à la marge. Il est observateur, il s'intéresse à toutes les tendances de son temps, mais il ne s'engage pas à fond pour une cause. Voilà. Bon, les auditeurs auront de toute façon la possibilité de comparer, puisqu'on reçoit donc Bernard Lahire jeudi prochain. Comment faut-il lire Kafka ? Alors, comment lire Kafka ? À mon avis, sans avoir de certitude, sans imposer trop de gris d'interprétation. Alors, chacun a sa lecture, bien évidemment. Moi, j'ai aussi la mienne. Puis je trouve qu'il faut, à mon sens, partir des textes, parce que c'est ce qu'il disait de lui-même. C'est vraiment... chaque mot retourné dans la merde des esprits se transforme en lance dirigée contre celui qui parle. Ma vie est hésitation devant la naissance. Mais il disait aussi en 1913, le monde prodigieux que j'ai dans la tête, mais comment me libérer et le libérer sans me déchirer. Et plutôt mille fois être déchiré que le retenir en moi ou l'enterrer. Je suis ici pour cela, je m'en rends parfaitement compte. Merci Florence Blanco. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je renvoie vers votre ouvrage Franz Kafka ou l'art de l'esquisse, paru chez Belin en 2006. À noter également le journal de Kafka ou l'écriture en procès, publié en 2002 au CNRS Éditions. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Jean-Guilain Meige. Ce soir, n'oubliez pas, La Fiction vous propose d'écouter une adaptation du procès de Kafka dans le feuilleton. C'est à 20h30. Et nous, eh bien, on se retrouve demain pour aller plus loin dans l'évocation des grands thèmes de l'œuvre kafkaïenne. Et donc, non pas kafkaïenne. Nous serons pour ce faire avec Jean-Pierre Lefebvre tout de suite sur France Culture. C'est la poésie, Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie, bonjour Mathieu. Une semaine, un auteur, une publication récente, disons d'actualité. Et là, ça fait longtemps qu'on voulait lui consacrer une semaine. Abdelatif Lahabi, et son dernier livre s'appelle « L'espoir à l'arraché ». Nous avons composé ce montage-là aujourd'hui en sélectionnant le premier poème du livre. J'aurais pu, hypothèse, j'aurais pu vivre une autre vie. Aux antipodes de celle que j'ai vécue, naître à une autre époque, la plus lointaine possible, être enfanté par un mammifère autre qu'humain, aquatique par exemple, sortir d'une graine enfouie dans la terre et pousser arbre, n'importe lequel, être éjecté par un volcan, me refroidir, me solidifier et devenir roche, quoi. Pause et après cela, prière. Puisqu'il le faut, je vais me mettre dans la peau du croyant et pratiquant. Je ferai mes ablutions, les grandes plutôt que les petites, avant d'étaler sur mon bureau mon tapis de prière. Je réciterai sans le moindre lapsus la profession de foi et exécuterai le nombre canonique de génuflexions. Je me viderai du fardeau du monde, ajouté à celui de la vie réelle ou supposée. Je m'allégerai des tourments au point de peser moins que le plus insignifiant des insectes. Je m'humilierai en toute conscience avec une sorte de joie mauvaise, tout cela pour implorer une déesse païenne se faisant appeler poésie et pour lui demander quoi ? De m'aider à vaincre cette hantise de l'indécence et du ridicule qui me saisit chaque fois que je m'apprête à célébrer son culte assis ou debout devant ma feuille de prière. Et reprise de notre récitatif du jour, j'aurais pu ne pas être là ce matin à scruter la nuit dans la clarté du jour, à confondre ma petite tragédie avec celle incommensurable du monde, à gratter du papier au lieu de souffler dans la trompe gigantesque de la colère jusqu'à ce que mes poumons éclatent. J'aurais pu partir avant qu'il ne soit trop tard, beau, ténébreux, fleurant bon mes arômes naturels, superbement romantiques, vifs comme l'éclair, aptes au service permanent de l'impossible. Et là, tout d'un coup, pleure, c'est un autre poème, pleure. Je préfère pleurer la nuit, dans mon sommeil. Ni vu ni connu. Autre avantage, je me réveille le matin, en riant, et je n'ai pas les yeux rouges. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des textes d'Abdelatif Lahabi.